comme le solde sur ma visa. Posé contre un mur, je regarde tout ce qui m'entoure comme si j'étais Mona Lisa. Je regarde le ciel tomber, je me noie dans un verre de potion. Si la vie était un hôtel, Dieu aurait encaissé mon chèque de caution. Sur la route, je trace et trace, comme si je faisais les 24 heures du Mans. Les journées passent et passent, mais se ressembler perdument. Maintenant je me tourne vers toi, afin d'exaucer mes voeux. Car quand le ciel est noir, les étoiles sont dans tes yeux. La lune est bleue, le ciel est magenta. Magenta, magenta. J'essaie de chanter mais je n'y parviens pas. Parviens pas, parviens pas. Alors je down, down, down, down, down. Négative comme le solde sur ma visa. J'écoute Aretha avec Melissa, une métisse d'Ibiza. Nos poches sont plutôt vides, insouciants car on cherche la monnaie. Mais elle est pas là, pas là, pas là, comme l'ex de Vianney. Sur la route je trace et trace, comme si je faisais les 24 heures du Mans. Les journées passent et passent, mais se ressembler perdument. Maintenant je me tourne vers toi, afin d'exaucer mes voeux. Car quand le ciel est noir, les étoiles sont dans tes yeux. La lune est bleue, le ciel est magenta. Magenta, magenta. J'essaie de chanter mais je n'y parviens pas. Parviens pas.